Aujourd'hui, éloge de l'arabesque. Le début de la Missa Brevis de Giovanni Pierluigi da Palestrina, messe à quatre voix pour soprano, contralto, ténor et basse, publiée pour la première fois en 1570. S'abandonner à l'écoute de cette polyphonie vocale si délicate, c'est se laisser porter au gré de ces mélodies sinueuses qui s'élèvent, qui s'abaissent, qui se lovent sur elles-mêmes ou qui se déploient en larges corolles. C'est en suivre les méandres, c'est en épouser les arabesques. La Missa Brevis semble résumer toute la perfection de l'art de Palestrina. C'est un morceau de quiétude divine, d'une pureté tout à fait infinie, en même temps qu'un bel exemple de style sobre et de souplesse d'écriture. Qu'on imagine quatre voix se mariant selon les inflexions les plus variées de leur timbre particulier et suivant chacune leur ligne mélodique propre pour s'unir en un ensemble sonore dont l'effet sans cesse renouvelé, l'aspect toujours changeant, l'enchevêtrement harmonieux fait songer par son déroulement sans arrêt et ses infléchissements savamment ordonnés à ces arabesques par lesquelles les adeptes de certaines sciences ésotériques représente le mouvement ininterrompu de la vie universelle. Thank you. Ce mot arabesque, Paul Ducas l'emploie pour définir l'esthétique de Palestrina. C'est aussi un mot qu'emploie Claude Debussy lorsqu'il évoque les chefs-d'œuvre de la Renaissance. Les primitifs, écrit-il, Palestrina, Vittoria, Roland de Lassus et bien d'autres, se servirent de cette divine arabesque. Ils en trouvèrent le principe dans le chant grégorien et ils en étayèrent les frêles entrelacements par de résistants contrepoints. Jean-Sébastien Bach, en reprenant l'arabesque, la rendit plus souple, plus fluide, et malgré la sévère discipline qu'imposait ce grand maître à la beauté, elle put se mouvoir avec cette libre fantaisie toujours renouvelée qui étonne encore à notre époque. Alors quand on écoute ainsi Claude Debussy faire l'éloge de l'arabesque, comment ne pas songer aux deux arabesques qu'il compose pour le piano en 1888 ? Comment ne pas retrouver à l'écoute du motif qui ouvre la première arabesque l'impalpable souvenir de l'arabesque grégorienne, la puissance suggestive de sa libre volute? Et comment ne pas deviner par-delà la richesse de son langage harmonique, l'écho discret de la courbe vocale telle qu'elle s'épanouissait dans l'œuvre d'un Palestrina? Thank you. La relation qui semble exister ici entre cette arabesque pour piano de Debussy et l'arabesque issue du mélisme grégorien qui a fécondé l'art vocal d'un Balestrina ou d'un Roland de la Suze, eh bien, cette relation semble également exister dans cette même manière d'appréhender le temps musical. L'arabesque de Debussy n'échappe pas à la terminologie qui définit les différentes composantes du temps musical. Il y a la pulsation, c'est-à-dire l'unité de temps. Il y a le tempo, c'est-à-dire la dynamique dans laquelle s'inscrit la pulsation. Et puis il y a la mesure, c'est-à-dire l'articulation interne de ces différentes pulsations au sein d'une périodicité. Tout cela est indiqué avec précision par l'auteur sur la partition. Et pourtant, le discours musical semble échapper à toute rigidité rythmique. Il jaillit avec une liberté et une aisance telles que la phrase musicale vraiment semble se soustraire à l'emprise de la barre de mesure. Il suit ses inflexions propres comme s'il se jouait de la mesure stricte. Et on retrouve cela dans la musique de Palestrina, comme d'ailleurs dans celle de beaucoup de ses contemporains. C'est-à-dire ce même désir de laisser la musique s'infléchir, non pas selon un découpage rationnel du temps, préalablement défini, mais selon la configuration mélodique de la courbe expressive elle-même. Et la preuve en est que les manuscrits de Palestrina ne présentent pas les différentes voies de la polyphonie de manière superposée, mais ils les présentent de manière séparée. Et puis d'autre part, chacune des parties séparées de la polyphonie est écrite sans barre de mesure. Alors, pourquoi des parties séparées et que signifie cette absence de barre de mesure? Eh bien, sans aucun doute, d'une part, c'est l'indépendance absolue des voix, et puis d'autre part, c'est une intention de fonder une pulsation sur autre chose que le retour régulier d'une pulsation au premier temps. Pour reprendre l'expression du musicologue Philippe Bossan, chaque voix se trace à elle-même et pour elle-même son propre cheminement, dans une liberté qui n'a d'autre limite que la présence des autres voix, qui cheminent elles aussi selon leur propre chemin mélodique, qui méditent, qui déclament séparément le même texte. Et c'est toute cette liberté qui engendre la beauté. Comment s'exécuter ces arabesques vocales? On a trop souvent tendance aujourd'hui à oublier que la musique de la Renaissance, qui faisait l'objet d'une notation vocale, n'était pas à l'époque nécessairement exécutée par des voix a cappella, c'est-à-dire sans la présence d'instruments. À la Renaissance, il n'y a pas cette distinction spécifiquement liée au timbre des instruments, et elle n'est pas indiquée par le compositeur sur la partition. D'où la diversité des pratiques d'exécution à cette époque. Dans l'entourage musical de Palestrina, une exécution purement vocale, d'œuvres liturgiques par exemple, était une chose tout à fait naturelle. Alors qu'à la cour de Bavière, où Roland de la Suze exerçait son activité de maître de chapelle, eh bien, la richesse des moyens musicaux est telle que les exécutions sont souvent distribuées aussi bien vocalement qu'instrumentalement. Ce que nous entendons en ce moment, c'est le début de l'ultime œuvre de Roland de la Suze, Lagrimae di San Pietro, l'œuvre qu'il compose 3 semaines avant sa mort en 1594. Ses larmes de Saint-Pierre, interprétées par Paul Van Nevel, ici, et l'ensemble Huelgas, sont un cycle de madrigaux, de 20 madrigaux à 7 voix. Une fresque qui semble couronner à elle seule l'expression musicale du XVIe siècle tout entier. Thank you. C'était la musique de la Renaissance au temps de Roland de Lassus et de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Une émission proposée par Véronique Puchala. La semaine prochaine, vous retrouverez Hélène Pierracos qui vous racontera Monteverdi.